Jamais peur de rien. Et quand je rentre tôt, toi tu rentres tard. On se croise parfois entre deux portes par hasard. Il vaudrait mieux accorder nos violons, chanter la même chanson et nous mettre au diapason.